Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu, ils s'aiment sans s'en faire comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. J'irai en Angleterre pour voir les grands bateaux qui font le tour de la terre comme le font les petits oiseaux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas,